il est tout blanc, il est trop blanc. Il chante Carmen et la Jara. Il se promène à l'opéra. C'est un revenant du bon vieux temps. Toutes les nuits avec Verdi, ils vont pour mater les petits rats. Puis les matous de l'opéra vont voir les douze coups de minuit. Ils sifflent un verre, ils sifflent un air, se remuent les cannes sur une polka. Invite les filles pour jouer des quilles et les petits rats pour jouer à chat. Monsieur Wagner, vêtu d'un suaire, vient faire danser la valse qui rit au vieux fantôme avec sa môme, juste histoire de se rappeler la vie. Il lui sourit, si elle dit oui, il lui donne de l'amour au rat. Monsieur Gounod joue au piano des vieux tangos comme autrefois, des rigolos comme cet air-là.